Le bazar de la charité par J.A. Schroni aîné. Jeanne Caussade habitait rue des 80, au 5e, dans deux chambres nettement mansardées. Il y avait 18 mois que son mari était parti pour la guerre. Elle élevait, outre son petit garçon qui faisait ses dents, une nièce orpheline âgée de 8 ans. Pendant la première année, la vie fut mélancolique mais quasi confortable. Philippe Caussade avait laissé quelques économies. Jeanne cousait des chemises pour les militaires et l'entrepreneur l'exploitait avec modération. Parce que le petit garçon se portait bien, il se montrait d'humeur accommodante et permettait à sa mère de dormir la nuit, sauf au moment où les dents se montraient cruelles. Quant à la jeune Hélène, l'orpheline, elle était de la meilleure pâte humaine, la pâte dont se font les dupes, et sans qui la vie serait encore bien plus dure qu'elle ne l'est depuis des siècles, car les dupes permirent l'éclosion des fables qui charment et des illusions qui consolent. Hélène était crédule comme un nègre, et si prompte à la fiction que chaque heure du jour avait son petit prodige. Elle consolait Jeanne, elle savait déjà amuser le bébé, par quoi elle rendait d'immenses services à la travailleuse. En somme, avec les économies du soldat, les chemises de l'entrepreneur, la location, le fricot, se trouvaient suffisants et l'on pouvait envoyer quelques colis à Philippe. Le budget des pauvres est comme ces machines délicates que le moindre choc détraque. Un soir, en revenant avec son paquet de chemises, Jeanne tomba dans l'escalier et se cassa le bras droit. C'était au moment où les économies venaient de rendre le dernier soupir. Il y eut des complications et des faux frais. L'indigence montra sa face brutale et sournoise. Il fallut vendre des meubles. Le ménage connut le froid et la faim, et même, lorsque Jeanne serait guérie, pendant plusieurs mois, la main resterait faible et se lasserait vite. Un matin, la femme et la fillette se tenaient tristement devant la fenêtre qui était une sorte de hublot. C'était en février. Quoique le froid ne fût pas vif, il les faisait souffrir. Mal nourri, le baby perdait sa belle humeur et condamnait sa mère à de fréquentes insomnies. On voyait Paris comme une bizarre carrière, où dans l'air brumeux s'élevaient des rocs qui étaient les églises ou les palais. La jeune Hélène rêvait éperdument. Les chimères se heurtaient contre son front pâle comme des insectes contre une vitre. Soudain elle dit, si bas que Jeanne ne l'entendit point, « Il faut faire un bazar de la charité. » Cela lui parut infiniment simple. Elle rumina son projet pendant un quart d'heure, puis elle sortit à la recherche de ses amis. Elles étaient trois, Paulette, Alphonsine et Rosalie. Comme c'était jeudi, elle trouva Paulette et Rosalie près du marché Saint-Germain et Alphonsine dans la loge de sa mère. Les fillettes approuvèrent l'idée d'Hélène et tout de suite elles s'organisèrent. Dans l'après-midi, le bazar se dressait sur une vieille table, tout contre le marché, et presque en face de la rue Montfaucon. Il y avait une pancarte, ornée de deux petits drapeaux tricolores, où Rosalie avait écrit au crayon rouge « Grande vente de charité au profit de la dame d'un poilu qui est dans la misère à cause d'un bras cassé. » Le tout truffé de fautes. Il y avait sur la table trois poupées, une raquette, une automobile à ressort, un jeu de quilles, deux livres d'images, un ménage ébréché, un lapin à roulettes, des osselets, un dé à coudre, un petit miroir, un salon de 19 sous, une épicerie, des chiffons de toutes formes et de toutes nuances. Paulette faisait l'article d'une voix qui se forçait sur les oreilles, tandis qu'Alphonsine agitait une sonnette avec frénésie. Cela faillit mal finir à cause du sergent de ville. Mais il connaissait les parents de Rosalie et le visage pathétique d'Hélène l'attendrit. Alors, la vente commença. Une marchande de poison les traîna par un versement de 20 centimes, puis un marchand de volailles donna 10 sous. Des passants déposaient 10 centimes et refusaient la marchandise. Une vieille dame magnifique y alla d'un franc tout neuf. Un escamoteur s'amusa à faire un bout de boniment et réalisa une collecte de 27 sous qu'il versa généreusement dans la sébile. Quand le crépuscule approcha, il y avait une récolte de 12 francs 15 et l'étalage restait à peu près intact. C'est alors qu'advint le miracle. Un vieux monsieur sortit de la rue Montfaucon. Il était de belle taille, assez corpulent, avec une lourde moustache blanche, son feutre rabattu sur les yeux. Il entendit la voix perçante de Paulette, traversa la chaussée, puis posément, il lut la pancarte, et il demanda « Quelle est cette dame ?» Les quatre fillettes demeurèrent un moment interdites. Ce fut Paulette qui reprit son aplomb la première. Elle dit « Volubile, c'est la tante de celle-ci, qui est Hélène, mon amie. Son mari est sur le front depuis 18 mois. Comme vous pouvez lire, elle s'est cassé le bras, avec lequel elle cousait des chemises. » Le vieux monsieur considérait les yeux vastes et charmants d'Hélène, qui se levaient dans une supplication. Il prit le petit miroir et dit « Je l'achète. Et j'offre... » Il n'acheva pas sa phrase. Il atteignit un portefeuille, en tira un billet de banque qu'il déposa sur la table et emporta le petit miroir. Les fillettes demeuraient pétrifiées. Puis Paulette dit avec jubilation « 100 balles !» Mais Rosalie murmurait en extase « Vous n'avez donc pas reconnu ?»« C'est lui, il l'a dit, il a dit !» Elle s'arrêta et laissa une demi-minute les autres haletantes. « Il a dit « j'offre !» Elles s'entre-regardèrent. Une stupeur douce était en elles, et la légende naquit que rien ne pourrait détruire. Hélène épiait, dans une trouée de nuages, l'étoile Vespère, aussi brillante que cette étoile qui guidait les mages sur les routes de Judée. C'était « Le bazar de la charité » par J.H. Roni-Aîné.